Comment allez-vous? Bien. On est bien? Oui. Ouais. Moi, je t'ai étourdi un peu, mais il y a quelqu'un qui le sait. J'ai comme un labyrinthite, là, puis ça. Je parlais un matin à Christian, puis ça allait bien, puis là, ça va plus ou moins bien. En tout cas, Seigneur, pour les 30 prochaines minutes, là, donnez un break. Non, si je vais me tenir, si je fais ça de temps en temps, si je tombe, vous me ramassez. Hein? Mais c'est correct, c'est bon. Ouais. Fait une couple de semaines qu'on a encore Colossiens 1, on a entendu toutes sortes de choses sur Dieu, toutes des belles choses. La grâce de Dieu. Hmm? La grâce de Dieu, ça permet des fois de ne pas flamber. Hein, Daniel? La grâce de Dieu, des fois, ça permet d'éviter un incendie. Il ne manquait pas ça au feu, mais Dieu a intervenu avant. J'ai réfléchi pas mal pour depuis Colossiens 1, puis il y a une chose que j'ai vécu cette semaine, c'est que ça va vraiment vite. Trouvez-vous que ça va vite? Hein? Ça va vite. Ça va prendre le temps de s'arrêter de temps en temps. Puis écoutez ce que Dieu a dit. La vie est tellement vite aujourd'hui. On court tout le temps. Vous êtes d'accord? Hein? Il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup dans le monde qui est juste là pour s'améliorer la performance. Hein? Les athlètes prennent la drogue pour améliorer la performance, la PO, toutes sortes de choses. La vitesse des ordinateurs, là, mon Pentium 286, ça fait longtemps qu'il est dépassé. Hein? Puis la moitié, quelqu'un qui fait une technique ou qui fait un bac, là, la moitié de l'information qu'un étudiant reçoit dans sa première année, dans la troisième année, c'est déjà dépassé. Il n'est pas fini. Il semble qu'il faut toujours travailler de plus en plus vite. On vit une vie exponentielle, hein, au carré, comme qu'on peut dire. Il y a un journaliste du Washington Post qui s'est posé la question. Puis le Washington Post s'est posé la question complète. Puis ils se sont posé une question. Sommes-nous en train de perdre l'essentiel? Savez-vous pourquoi est-ce qu'ils ont posé cette question-là? Parce qu'ils ont fait une étude, ils ont fait un test. Le 12 janvier 2007, Joshua Bell, je vais le lire, là, parce que c'est, a participé humblement à une expérience menée par le Washington Post à l'heure de pointe le matin dans la halle d'une station de métro, le Infant Plaza à Washington. Cet événement a été organisé par le journal Washington Post dans le cadre d'une expérience de psychologie comportementale sur la perception, les goûts puis la priorité des hommes et des femmes. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Joshua Bell? Non? Ce matin-là, il a joué 6 morceaux de Bach pendant environ 45 minutes. C'est à l'heure de pointe. Il a été calculé que plus de 1200 personnes y ont passé dans cette station-là, en route vers le travail ou vers l'école. L'énoncé, en partant, on fait une étude, souvent, là, on pose une hypothèse. Ça disait, dans un environnement commun, à une heure inappropriée, sommes-nous en mesure de percevoir la beauté? Nous arrêtons-nous pour l'apprécier? Savons-nous reconnaître le talent dans un contexte inattendu? C'est pas des saints qui ont écrit ça. Mais qui est Joshua Bell? Le violon rouge, ça vous dit quoi? C'est lui qui jouait le violon rouge. Son violon, c'est pas lui qui jouait, qui faisait partie du film. Mais c'est lui qui jouait qui jouait la musique en arrière. Son violon, c'est un Gibson. Moi, je pensais tout le temps, quand je parle d'un Gibson, je pense d'une guitare. Mais c'est un violon, un Stradivarius, fabriqué en 1713. Il a acheté cet instrument près de 4 millions de dollars. 3,5 millions. Mais il avait revendu déjà son nom sur Stradivarius 2 millions. Il avait un bon instrument. Son premier enregistrement avec ce violon-là, ça fait partie des enregistrements classiques les plus vendus au monde. Plus de 100 millions. Plus de 5 millions d'exemplaires. Son archet du 18e siècle, élève de l'archetier, un archetier très, très reconnu. Deux jours avant cette expérience-là, les gens sont allés le voir à Boston. 200 pièces le ticket de billet, en 2007. Joshua Bell s'est pointé ce vendredi matin en jeans, t-shirt, casquette. Il a mis son étui par terre. À noter, tout a été filmé. Là. Vous pouvez aller sur Internet, là, marquer Joshua Bell, Washington Post, violon, ça sort tout de suite. Vous le voyez, là, en accéléré, là, parce que ça dure quand même un bout de temps. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Voulez-vous le savoir? Il a mis son affaire là, il a pris un 10$, 2-5$, il l'a mis dans son caisse pour encourager le monde à donner, hein. Je ne sais pas exactement, là, c'est peut-être une fausseté, mais il a mis des sous dedans. Là, mais il a mis 20$, mais dans quel coupon, je ne sais pas. Il a joué pendant près de 45 minutes. Il y a plus de 1200 personnes qui sont passées par lui. Il a joué des chefs-d'œuvre, des pièces très difficiles au violon. Combien de personnes se sont arrêtées pour l'écouter, pensez-vous? Combien? 50. 45 minutes. Il y a 7 personnes. 7! 7 personnes qui sont arrêtées. Ouais, mais les gens, ça allait travailler, ça allait tout ça. Non, le guichet à côté qui vendait du Loto-Québec Washington, là, c'était plein. C'était plein. Il a reçu 12 piastres. 12 $ dans son caisse de Gibson à 3,5 millions. Le journaliste était scandalisé. Il était scandalisé. Il a fait plusieurs interviews pour savoir qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, il s'est posé une question. Il dit, quel genre de vie sommes-nous en train de mener? C'est pas des saints là, qui écrit ça. Là. Une des conclusions qu'ils ont dit, c'est, si nous n'avons pas un moment pour nous arrêter et écouter l'un des meilleurs musiciens au monde, jouant la meilleure de musique jamais écrite, avec les instruments les plus réputés, combien d'autres choses manquent-nous? Quelle autre chose sommes-nous en train de manquer? Ce reportage-là, là, le gars, le journaliste, il a gagné le prix Pulitzer, le journaliste. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'était marqué. Je pense que c'est un prix comme les Oscars pour les journalistes. La vie va tellement vite, trépidante. Nous avons tant de choses que nous aimerions avoir, hein? Mais sommes-nous en train de manquer l'essentiel, le plus beau? C'est une bonne question. Nos vies sont si grouillantes, mais sommes-nous en train de manquer des chefs-d'œuvre? Vivons un rythme si effréné, nous sommes en train de manquer l'essentiel peut-être, de manquer le plus beau. Jean 3,16, ça dit, car Dieu a tant aimé le monde. Pouvez-vous y aller? Juste pour vous dire, c'est que Omar n'est pas là. Hein? Fait que en plus, il n'y a rien qui marchait ce matin. Hein? Fait que si vous n'avez pas votre Bible, collez-vous avec d'autres pour la lire. Hein? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Depuis un mois, cinq semaines, on lit dans Colossiens un autre chef-d'œuvre, Jésus-Christ, sa grâce. Mais avant de le lire, on va prier. On veut te remercier, Seigneur Dieu, pour ce temps qu'on prend de s'arrêter, pour t'écouter. Ouvre nos cœurs, Seigneur, et Donne-moi, Seigneur, la sagesse aussi pour présenter qu'est-ce que tu as mis sur mon cœur. Donne-moi aussi toute la concentration voulue. Donne-nous toute la concentration voulue. En Jésus, amen. On va aller dans Colossiens, chapitre 1, verset 15. Je ne referai pas Colossiens. Il y a un verset vraiment que j'aimerais, puis après ça, je vais juste développer avec quelques versets ce matin. Bon, on va quand même prendre le temps de lire Colossiens 1. On va lire du verset 15 au verset 23. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. J'ai été créé pour lui. Nous avons été créés pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être avant tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu pour lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et c'est les prochains versets qu'on va regarder. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître saints, irrépréhensibles, sans reproche. Si du moins vous demeurez fondé, inébranlable à la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, serviteur, esclave. Mais gardons cette image. Sommes-nous en train de manquer l'essentiel, le plus beau? On va surtout regarder le verset 21-23, mais on va surtout essayer de réfléchir. Est-ce qu'il y en a qui savent la différence entre entendre et écouter? On entend, depuis un bout de temps, là, ça s'en vient bientôt, là. Tu sais, pour faire aérer à la maison, là, tu rouvres les fenêtres, là. T'entends les oiseaux. Mais bientôt, on pourra sortir avec notre café, s'asseoir dehors, prendre notre café et les écouter plus. La différence, non? L'entendre, là, savez-vous qu'est-ce qu'on fait avec quand on entend? On oublie. Mais quand on écoute, on peut méditer. Puis quand on médite la parole de Dieu, ça nous pousse à la mettre en pratique. Vous savez, la vie chrétienne, notre vie, c'est pas une vie vague, approximative. Il faut être convaincu d'une chose, c'est que la Bible est inspirée de Dieu. Elle est pleine de trésors pour nous. Elle est pleine de choses qu'on doit mettre en pratique. Dans Colossiens, on a vu, puis on va en voir d'autres. Puis dans Corinthiens, on a vu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein? L'Évangile, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Il dit dans le verset 22 de Colossiens, « Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » C'est des mots très forts. Très, très forts. C'est sûr que quand on va arriver devant lui, là, c'est ça qu'on va avoir. Fondé, c'est notre finalité. Paraître devant lui saint, irrépréhensible. C'est notre future position. Mais ici, ici, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur demeurer saint, irrépréhensible et sans reproche, fondé? J'ai réfléchi pas mal. Hein? Puis je vais vous partager une petite réflexion que j'ai eue. Trois versets qu'on va regarder. Cette semaine, c'est passé de quoi? Notre frère Michel est parti en Floride. Gilles Lachance est parti en vacances. Il y avait une fosse septique qui se creusait vendredi. J'ai pas eu le temps d'en parler avec mes frères. Mais, à la grâce de Dieu. Philippiens 2:8. Puis si je suis dans le champ, ben on se le dira. Mais c'est des mots très forts, hein? Saint. Pour moi, Saint-Jean, c'est doublement fort. C'est exponentiel, c'est au carré. Philippiens 2:8. Ça nous dit, il s'est humilié lui-même en devenant, en se rendant, obéissant jusqu'à la mort de la croix. Savons-nous estimer ou évaluer notre condition spirituelle là, en ce moment? Avez-vous pensé par rapport à Jésus où vous en êtes? Qu'est-ce qui s'attend de nous? Qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Notre vie spirituelle par rapport au commandement qu'il nous a laissé dans la Bible. Notre crête. Je suis dans l'électricité, hein. Tu sais, dans les sinus, là, c'est la tension crête. Notre apogée de notre condition spirituelle, c'est la garantie d'aller un jour dans la gloire céleste. Mais sur la terre, on a des incertitudes. On a des difficultés. Tu es d'accord avec ça? La vie, il y a des problèmes. Il faut passer au travers. Mais avec la grâce de Dieu, on va passer au travers. On va essayer de le voir. Jésus, lui, c'est juste les trois mots que je veux regarder, c'est lui, il s'est rendu obéissant. Jésus a toujours été obéissant, en présence du Père. Il n'a jamais été désobéissant. Mais là, il nous dit que ce verset, il nous dit qu'il a été au-delà de son obéissance. Il s'est rendu obéissant, afin que sa mort puisse nous permettre d'accéder au salut de Dieu. Ça dépasse toute imagination. Je ne peux pas vous l'expliquer. Mais c'est incontestable ce qu'il a fait pour nous. C'est un œuvre unique qui ne sera jamais renouvelée et qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Dès l'origine des temps, d'ailleurs, hein? On l'a vu dans le pacte de Colossiens. Dès l'origine, la même chose s'est produite. Il a dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais pas de celui de la connaissance du bien ou du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce que Dieu a dit à Adam, c'est un commandement. C'est un ordre. C'est incontestable. Le plan humain, là, c'est un ordre. Tu n'en mangeras pas. Adam n'a pas contesté. Avez-vous des versets qui disent qu'Adam a contesté cet ordre-là? Jamais. Mais un commandement qui vient de Dieu, là, on appelle ça, pour moi, là, c'est un commandement salutaire. Ça nous amène au salut. C'est pas un commandement pour nous écœurer. C'est un commandement pour nous faire du bien. Tout le temps. Le but de Dieu, dès l'origine, c'est de sauver l'humain. Dieu propose aux hommes son salut. Dieu, il nous aime. Il veut notre bien. Dieu donne des ordres salutaires. À savoir des hommes, on t'a dit qu'on n'aime pas ça. Mais c'est pour notre salut qu'il nous les donne. plus rien. Adam, pendant un certain temps, pendant un bon bout de temps, il a appliqué cet ordre et tout était impeccable. Tout était impeccable. Parfait dans le jardin d'Éden. Mais un jour, il n'a pas tenu sa parole. Il a goûté du sucre. Il a désobéi. Ça a fait des conséquences terribles. Hein? C'est une catastrophe. Chassé du jardin. Hey, les mauvaises herbes ont commencé à pousser. Hein? Difficulté avec ses enfants. Un de ses fils qui a tué son l'autre. Un de ses fils qui a tué son frère. Certainement bien gros des larmes. Beaucoup de peine, beaucoup de pleurs à cause de l'euphorie. Mais ils avaient désobéi. La parole de Dieu nous dit depuis l'origine des temps d'obéir. Combien de fois Dieu nous dit d'obéir? Le mot obéir, obéissance, nous met en garde. Obéissez, mais toujours dans un esprit de nous faire du bien, un commandement salutaire. Ça, des fois, on a tendance à l'oublier. Ne donne pas des ordres pour nous écœurer, donne des ordres pour nous faire du bien. Et Jésus l'a compris, il s'est rendu obéissant. Vous savez, la bénédiction de Dieu repose sur nous, ses enfants, sur la terre. Dieu, on l'a chanté tantôt, il a permis nos sentiers. Il nous conduit lorsque nous bifurquons ou nous nous arrêtons. Il revient nous chercher. Comme un père, il nous corrige, il nous châtie. Parce que vous savez, dans le ciel, là, la désobéissance, là, il n'y en aura pas. Il s'est rendu obéissant. Il a accepté de venir pour nous, mourir pour nous. Dans Jean, ça dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il est venu mourir, pour mourir, rendu obéissant jusqu'à la mort. Nous devons réfléchir. Nous devons estimer notre condition spirituelle par rapport à l'obéissance. L'obéissance, c'est un choix que nous devons accepter de faire devant Dieu et nous devons tenir notre promesse. Pourquoi? Nous sommes le peuple de Dieu. Un jour, là, nos yeux verront la gloire de Dieu. Je vais prendre une seconde, je vais me chercher. Comment pouvons-nous progresser? Parce que c'est ça, en fin de compte, on voit où est-ce qu'il faut aller, mais comment est-ce qu'il faut y aller? Jésus s'est rendu obéissant. Il ne l'a pas fait par obligation. Il l'a fait par conviction. C'est un choix. Est-ce qu'il y avait le choix de le faire ou de ne pas le faire? Oui, mais il fallait le faire. C'était son plan au départ. Avec Adam. Il savait ce qu'il avait à faire, puis il l'a fait. Comment? De tout son cœur, de toutes ses forces. Nous, on a besoin de secours pour parvenir à cette obéissance-là auprès de Dieu. On ne sera jamais comme Jésus. On veut y ressembler. On a besoin de secours. Deuxième verset. Comme une équation, hein? Éphésiens 2, 8, Romains 12, 2. Maintenant, dans Romains, chapitre de Paul aux Romains, vers chapitre 12, verset 2. On a besoin de secours pour parvenir à l'obéissance auprès de Dieu. C'est pas dans notre nature. Romains 12, 2, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. On voit par la fin, c'est quoi l'intelligence? C'est pas l'instruction. Ça veut pas dire qu'un gars, un doctorat qui est intelligent, c'est pas de cette intelligence-là qu'il parle. L'intelligence, ça vient de Dieu. Ça a une grande, grande valeur. Grande valeur. Allons dans Proverbe. Proverbe 2. Je pourrais vous l'expliquer, mais ça sera jamais aussi bon que... Puis vous allez être plus mêlés que la parole de Dieu va... Pour vous clarifier. Proverbe 2, verset 1 à 5. Ça dit quoi? Mon fils, ma fille, mes enfants, mes frères, c'est nous, ça. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive, si t'écoutes, pas t'entends, t'écoutes à la sagesse, à l'intelligence. Si tu t'inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est un trésor, l'intelligence, la sagesse, la connaissance de Dieu. Il n'y a pas de plus beau sur terre. Il n'y en a pas de plus beau sur terre. C'est Dieu qui nous l'offre, ce trésor-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il nous donne la possibilité de comprendre et de connaître toutes les choses qui concernent le royaume de Dieu. On vend tout pour acheter ce trésor. On vend le terrain, on vend tout. On vend toutes nos perles pour avoir cette perle-là. Hein? Tout. Avec l'intelligence, la sagesse ou la connaissance de Dieu, on a tout ce qu'il faut pour comprendre et diriger notre vie parce que, avec l'Esprit, qui est au milieu de nous, nous pouvons accéder à cette connaissance. C'est un trésor. C'est mieux qu'un Gibson Stradivarius. Même s'il est vieux, là, ce trésor-là dure éternellement. En plus, savez-vous qu'est-ce qu'il fait, ce trésor-là? Il nous transforme. C'est Dieu qui nous le donne. Si donc nous cherchons l'intelligence, comme il y a un roi, je pense, dans l'Ancien Testament qui a demandé ça. C'est lequel? C'est le monde, hein? Nous possédons tout ce qu'il faut pour marcher dans ses voies puis d'obéir à sa parole. Il y a un mot qu'on n'a pas parlé encore dans ce verset-là, c'est, puis qu'il faut considérer, c'est renouveler. On l'a, mais il faut la renouveler. Nous devons la demander à Dieu, la sagesse, l'intelligence en tout temps. Quand tu passes dans le métro, il aurait pu regarder, il avait le temps. Quand on se promène, on a le temps de la demander, tout le temps, en tout temps. Il faut renouveler cette demande. Puis notre cœur sera transformé par ce renouvellement-là. Ne pas se laisser aller à la vitesse exponentielle, mais s'arrêter et la demander. Vous savez, cette personne nous propose quelque chose de très grand. Il veut que notre cœur soit toujours dans sa présence. Pas de temps en temps. Toujours. Vu qu'on renouvelle toujours avec lui, Dieu est grand. C'est quoi? Tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut prétendre avoir cette intelligence-là. n'a pas besoin d'haute étude. Il n'a pas besoin de quelque chose de particulier. Il n'y a aucune discrimination pour obtenir l'intelligence. Dieu nous la donne si nous la demandons. Nous insistons de tout notre cœur. Ce travail, nous l'avons. Ce trésor, nous l'avons. Il nous le donne. Mais c'est à nous de l'utiliser. À l'utiliser pour que cela nous serve de marcher dans sa voie et d'obéir afin que l'on discerne quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Il n'y a pas d'autre solution. Si on ne suit pas la parole de Dieu, on ne suit pas Jésus. Si on fait les choses selon ce que nous pensons de bien, nous n'y arriverons pas. Vous savez, je connais plein de monde, je connais des frères, ils font vraiment des bonnes choses. Ils en font des moins bonnes aussi. Mais même à ça, est-ce que cela satisfait Dieu? Dieu nous demande un cœur pur, un cœur qui n'a pas mélange, il n'y a pas de mélange. Ce mélange ne satisfait pas le cœur de Dieu. C'est toute la vérité seulement qui. Seulement. Que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes dans le Proverbe, allez un petit peu avant dans le psaume 36. Le psaume qu'on chante souvent. Souvent, souvent, souvent. Psaume 36, verset 10. Le temps avance, je veux juste... c'est la deuxième partie du verset 10 qui dit « Par ta lumière, nous voyons la lumière. » À ta lumière, je verrai la lumière. Parce que tu m'as éclairé, parce que tu m'as donné de comprendre, de connaître, je comprends. Et je vois où est mon chemin, où je dois marcher pour être sauvé. Non, non. On est sauvé. Si on est à lui. Mais je dois marcher pour le glorifier, pour lui obéir, pour être un témoignage dans ma municipalité. Pour que les perdus de la rivière Richelieu soient sauvés, vraiment, goûtent à Christ. Sans cette lumière, je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est simple, c'est très, très simple. On n'a pas besoin d'écouter la nouvelle bien, bien longtemps pour voir que le monde actuellement il est très troublé. Beaucoup de désordre, de la confusion, c'est du péché en vainqueur. Mais pour celui qui est Dieu, quoi faire? Quand on est à lui, on ne s'arrête plus, on les évite. Est-ce que je vois ce que Dieu me propose? C'est juste des choses favorables. À moi d'y obéir, non par contrainte. Dieu n'est pas intéressé, mais obéir. La contrainte n'est pas intéressée, vraiment. Juste obéir par amour pour lui. Il y a des obstacles, bien sûr. Il y a des multitudes. Contour. Dieu nous bénit. Dieu nous a joint encore. Où on annonce la vérité. Il faut se poser des questions. Est-ce que nous sommes à conformité avec la parole? Il faut vraiment, on passe beaucoup de temps vraiment à essayer de chercher, voir si on est correct. Est-ce que l'Esprit de Dieu est présent ici? Ah oui. Est-ce qu'il change nos cœurs? Est-ce qu'il répond à nos prières? Et à toutes les semaines, tu réponds. À tous les jours, tu réponds. Est-ce qu'il se manifeste dans nos vies? Il veut vraiment qu'on pense justement qu'à soi. Hein? Est-ce qu'il peut encore le faire aujourd'hui? Est-ce que vous êtes déçus des fois? Vous savez, Dieu, il n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Est-ce que vous êtes d'accord? Qui a changé? C'est peut-être nous, des fois, qui passons un peu à côté. Pensez seulement qu'à vous. Hein? Pas à votre mari, pas à votre femme, c'est à vous. Sommes-nous en train de manquer l'essentiel, le plus beau? Vous savez, une église, ça existe. Pourquoi? Parce qu'il y a des saints à l'intérieur. Il y a des membres. Si les membres si les saints sont spirituellement en progrès, sont transformés par le renouvellement d'intelligence. C'est ça que Dieu demande. Alors l'Église progresse. C'est très simple comme question. Mais ce matin, personnellement, vous pouvez poser la question, est-ce que je suis en progrès? Est-ce que je vais à Dieu pour qu'il renouvelle mon intelligence? Est-ce que je suis dans la voie de Dieu que Dieu m'a tracée? Êtes-vous transformé par le renouvellement d'intelligence? Dernier verset, Hébreux 12. Verset 14. C'est-à-dire, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est dur, ça, là. Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? C'est très dur. Dans Colossiens, on l'a vu, notre salut, c'est Christ qui s'en occupe. Dans Éphésiens, c'est clair aussi. Hein? C'est pas de ça qu'on parle. Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec le Christ et par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est sûr. C'est pas ça qu'on touche. Mais c'est quoi la sanctification? Premièrement, quand est-ce qu'elle commence? Quand on se convertit. C'est là que ça commence. C'est quoi la sanctification? C'est tout simplement la marche normale d'un saint dans sa vie de tous les jours. C'est un état qui, dans ma vie, dans l'Église, doit être progressif. Je marche tous les jours, j'avance. Il doit augmenter à tous les jours aussi. Il faut entreprendre progressivement cette marche-là. Dieu nous amène. On ne sera jamais à la perfection. Mais on doit aller vers lui. L'Esprit de Dieu nous ferait sentir pour que nous allions de progrès en progrès. Est-ce que j'ai des progrès à réaliser? Mais-en. Savez-vous? Les connaissez-vous très bien, vos membres? Certains sont faciles à régler, d'autres plus difficiles. Mais, lorsqu'on se rencontre dans nos bergeries, qu'est-ce qu'on fait si c'est pas ça? Quand on se rencontre ensemble dans l'église, qu'est-ce qu'on fait si c'est pas ça? Quand on se rencontre dans les réunions des hommes, qu'est-ce qu'on fait si c'est pas ça? De s'encourager, de s'exhorter à marcher, à régler nos choses. On regarde la parole. On est vrai entre nous, on prie les uns pour les autres. La prière est efficace. Est-ce qu'on prie celui qui est tout puissant? On intercède Dieu pour qu'il nous donne l'intelligence, la sagesse. Il nous sanctifie. Puis avec lui, nous ferons des victoires. Nous remporterons des victoires. Vous savez, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons le Père, le Créateur. Nous pouvons remporter la victoire parce que la victoire a été renforcé par Jésus-Christ. Hein? Il n'y a personne qui est au top niveau ici. Hein? Mais, chaque jour, il faut faire des progrès parce qu'ils sont bénéfiques pour nous. Ils sont bénéfiques pour l'Église. C'est ça qui nous demande. Remporter des victoires pour que l'on soit saint, sans défaut, irréprochable, c'est la volonté de Dieu. Le désir de sanctification doit être une conviction. Pas une obligation, Dieu n'en a rien à foutre. Obligation. Je ne veux pas de compétition, ces enfants. Il faut être assis à gauche ou à droite. Pas de compétition. Il veut pas qu'on le fasse parce que les autres le font. T'sais. C'est souvent ça. Hein? Dieu cherche des cœurs convaincus qui m'aiment, même avec des faibles moyens, qui luttent pour avoir des victoires spirituelles, qui sont prêts à aller à Dieu, accéder à sa grâce, regarder sa vie à travers sa lumière, être saint parce que son Dieu est saint, être un bon intendant. Sommes-nous en train de manquer l'essentiel le plus beau? C'est dommage, des fois. Il suffit de puiser, c'est un trésor, Dieu est là tout le temps. Tout a été préparé d'avance. Vous savez, croire en Dieu, c'est bien. Et vivre de Dieu, vivre pour Dieu, c'est mieux. Il faut arriver à ça. Pour voir sa gloire dans l'Église, dans les municipalités, justement, sur le bord de Richelieu. Il faut progresser tout le temps, tout le temps. Vous savez, la grâce de Dieu est manifeste ici. Mais il faut aller de progrès en progrès. Voir les choses dans notre vie qui a changé. Témoigner de la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Vous savez, il n'y a pas de plus belle chose que Dieu, que ça. Même Joshua Bell, qui joue son violon avec son super archer, c'est-tu plus beau de voir Dieu répondre à une prière, voir un frère ou une sœur changer, voir quelqu'un accepter Christ? L'Évangile, la grâce de Dieu, la connaissance de Dieu, la personne de Jésus-Christ qui s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, l'action du Saint-Esprit en nous, qui nous transforme, notre intelligence qui soupire pour notre sanctification qui nous aime. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il nous aime? Oui. Sommes-nous en bonne santé spirituelle? Sommes-nous des témoins fidèles, irréprochables, irrépréhensibles? Qu'est-ce que le Colossiens nous dit? Si c'est écrit, c'est pour notre enseignement et pour que nous les pratiquions. Il faut lutter ensemble dans l'unité autour de Christ. Connaissez-vous vos titres honorifiques? Oui, nos titres honorifiques. Hein? Oui. Or, nous sommes ses enfants. Nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et les co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Enfants, héritiers, co-héritiers. Vous savez, Dieu sonde mon cœur. Mais s'il y a des choses à régler, s'il y a une petite étincelle qui est allumée, là, réglez-la. Colossiens 1:22, Philippiens 2:8. Romains 12:2, Hébreux 12:14. Charles, peux-tu nous mettre le chant? Le dernier. Je l'avais demandé, mais y a-t-il un qui connaît ce chant-là? C'est un chant que je chantais, on chantait. On chante ça. Es-tu lequel? C'est le dernier. Ça n'y est pas? On le chantera une prochaine fois. C'est un chant qu'on chantait avec les enfants. Heureux ceux qui savent écouter la parole de Dieu. Ça vous dit-tu quoi? Heureux ceux qui savent la garder. Oh, faites comme eux. Heureux celui qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Et celui qui ne s'arrête pas parmi les menteurs. Si tu marches dans la vérité, tu verras que bientôt, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je sais pas. C'est en arrière. C'est que... Ah ouais. Il n'y avait pas de signal qui venait par le temps. Il y a toute mon admiration, hein? Parce que moi, j'aurais posé. Parce qu'il y en aurait plus qui seraient en train de partir. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à ajouter là-dessus? Ça vous a mis à cœur un verset ou une pensée?